s'est dit on va se développer. La quête du pouvoir s'en est mêlée, créant un égoïsme surdéveloppé. L'intelligence de l'homme s'est orientée vers un paysage bordé de monnaie pour régner. Les multinationales sont donc apparues au nom d'un profit qui multiplie les gens soumis. Changer les données sans oublier le passé. Garder les pensées des sages trop souvent.